Merci. Donc, je vais vous présenter deux sujets. Le jeu de paume du roi Louis XIII qui a été fouillé dans la cour du Grand Commun, et ainsi qu'une série de vestiges hydrauliques que nous avons eu le loisir d'étudier. Le Grand Commun, pour ceux qui ne savent pas où c'est, une vue de la fouille. Donc, en fait, toute la cour a été fouillée. Je crois que ça faisait 1800 ou 2000 mètres carrés. Une autre, on voit d'ores et déjà apparaître les vestiges du jeu de paume, surtout si on peut baisser un petit peu la lumière. Merci. Ici, donc voici les murs du jeu de paume. Voici un plan général des vestiges mis à jour. On note le cimetière mérovingien, puisque l'ancienne église du village était juste ici. Mais je vais vous parler essentiellement des vestiges donc de la période moderne. Ici, en contexte, à savoir le jeu de paume qu'on devine ici et des vestiges liés à l'occupation des grands communs dans la cour centrale. Un plan phasé pour le 17e. Oups, pardon. Le jeu de paume, principal sujet. On va aborder très rapidement les vestiges d'une des ailes du pavillon du roi et je vais laisser de côté le bassin pour les pépinières. Une vue du jeu de paume en cours de fouille. On voit ici la galerie. Une vue meilleure dans le sens de la longueur. Finalement, c'était un bâtiment de 34,5 sur 14 mètres pour une aire de jeu de 98 par 35 pieds, ce qui est à peu près la norme. Le bâtiment présentait les traces de trois galeries destinées à recevoir le public. Il s'agit donc d'un jeu à deux dents. Et en face, nous avons le mur sans galerie. J'en ai un, mais... Ouh. Il n'y a pas de petit bouton derrière. Si, sur le culot. Sur le culot. Super. Donc, et le grand mur sans galerie, qu'on appelle le grand mur. Nous avons assez rapidement eu la chance de trouver ce que nous cherchions, à savoir le tambour, ce petit décrochement qui permet le passage d'un mur de 4 pieds de large à un mur de 5, donc un angle largement ouvert, qui était une irrégularité architecturale qui nous renvoie directement à l'histoire du jeu, vraisemblablement né dans les rues. Une autre vue, encore une fois, de la galerie et des murs, on voit que... Je n'ai pas mis faire. Globalement, c'était une construction en petits moellons de meulière liés au mortier, donc au moins dans les fondations, des choses plutôt médiocres. Une vue rapprochée, on est dans le jeu de paume du roi, donc qui est devisé en 1629 et logiquement construit en 1630 pour Louis XIII. De cette galerie, nous venons de voir le sol, décidément. La galerie servait donc à accueillir du public. Ici, cette gravure issue de Garceau, donc l'art du pommier raquetier. J'ai extrait du catalogue Jeux des rois, rois des jeux, ces expressions liées au jeu de paume que vous connaissez sans doute. Yves Carlier, qui est parmi nous, vous répondra mieux que moi, si vous avez des questions sur le sujet. Mais c'est assez important de rappeler que le jeu de paume est à l'origine de toute une série d'expressions françaises qu'on utilise encore sans forcément savoir d'où elles viennent. Donc ça a marqué notre culture. Deux traités du 18e nous permettent, je dirais, un peu d'asseoir notre discours, bien qu'il soit postérieur de 150 ans aux Jeux de Versailles. Une vue des tomates. Alors, la première fois que je les ai présentées ici, Annick m'a fait justement remarquer que chaque tomate avait deux petits trous. Donc, on a compris en les étudiant une à une qu'elles étaient découpées autour d'une forme en bois et pas moulées. Les voici, voici une coupe de la galerie. On voit que le sol s'est affaissé. Et je ne sais pas pourquoi le sol s'est affaissé ici, parce qu'on a fouillé en dessous, on n'a rien vu, rien trouvé qui nous explique pourquoi. Le substrat est sableux, pourtant assez de bonne qualité. Et à une certaine distance de la galerie, on a trouvé un accès à l'aire de jeu qui est peut-être le point techniquement le plus important, puisqu'on voit le passage ici, la galerie pour le public, l'aire de jeu en bas, et l'aire de jeu est marquée par deux revêtements successifs. Un premier revêtement de carreaux en terre cuite qui sera bientôt surmonté d'un revêtement de carreaux en pierre de taille calcaire. Ces carreaux, je vous en ai amené un exemplaire, il est sur la chaise là-bas. On les a trouvés très largement dans la cave de la maison du pommier. Ce sont des gros carreaux de 20 sur 20, 3 cm d'épaisseur, que nous associons à la première phase du jeu de paume. Avec ma collègue Emmanuelle Duboîtier, on a fait une petite recension dans les découvertes franciliennes pour savoir dans quel contexte on trouvait ces carreaux, et à chaque fois c'était dans les châteaux, généralement dans les remblais, mais je pense qu'il puis, a priori, toutes les raisons, tout m'indique que c'est vraiment le premier état du sol du jeu de paume. Le deuxième état, donc le dernier, le voici, était composé de beaux carreaux en pierre de taille calcaire dont j'ai aussi amené, enfin Annick a aussi amené un exemplaire, il est là devant. On les a amenés pour essayer d'engager la conversation sur le sujet, puisque donc ils étaient posés sur un petit radier de pierre avec une petite couche de terre et enfin 2 cm de sable. Ils n'étaient absolument pas maçonnés, simplement posés. Les voici en photo. Alors, les manuels nous disant que les pierres de Caen sont plus estimées pour les sols. J'ai demandé à mon collègue Marc Viré de me faire une étude de ces carreaux. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement deux origines. Un calcaire lutétien standard de la Vallée d'Oise. Et puis des pierres, des carreaux qui viennent vraisemblablement de Normandie. Pourquoi ? Ai-je demandé à Marc et au manuel. Marc m'a dit qu'il y a peut-être des qualités de ressuyage différentes. Les manuels ne nous disent pas grand-chose. Est-ce que c'est simplement un argument commercial ? Faire venir des carreaux de Normandie, c'est plus prestigieux. Mais globalement, j'ai compris en discutant avec Yves Carlier et puis les gens spécialisés du jeu de paume qui passaient sur le chantier, que j'avais là, dans ces deux carreaux, les éléments scientifiquement les plus intéressants, puisque le sol du jeu de paume en fait conditionne le déplacement des joueurs, le comptage des points et surtout le rebond entre guillemets à une époque où les balles n'utilisent pas le caoutchouc. Donc ces deux carreaux sur lesquels j'insiste sont vraiment les choses finalement l'aspect le plus technique qui ressort de ce jeu qu'il reste encore à étudier. Je cherche des crédits pour faire des analyses de rebond et de ressuyage. Pour l'instant, l'INRAP les refuse, mais bon, je ne désespère pas. Des mécènes ? Je ne sais pas. Donc, on en a trouvé peu en place, mais le travail de relevé fait qu'on voit toutes les empreintes des carreaux d'un pied qui ont été effacées. On a pu restituer le nombre de rangs. Le devis donc, qui a été exhumé par Jean-Claude Le Guillou, décrit pour la première phase un jeu de paume dont le sol est composé à la fois de grands carreaux de terre cuite, même si je ne les ai pas retrouvés en contexte, ceux que que j'ai trouvé largement dans la maison du poignet, mêlée de pavés de pierre de liais sur 10 pieds de long. Alors concrètement, j'ai mesuré le jeu de paume tel qu'on l'a trouvé, et si je suis le devis, et si je suis la longueur des carreaux que j'ai exhumés, je comprends que sur la longueur du jeu de paume, il y avait exactement 120 rangs, autrement dit deux moitiés de terrain de 60 carreaux. Et au-delà du mur, je pose quelques questions sur le comptage des points, puisque le jeu de paume, les points se comptent à peu près comme au tennis actuel, 15, 30, 40, et puis jeu, sous-entendu 60. Est-ce que les 60 rangs que j'ai trouvés, qu'on a restitués, aident au comptage des points ? On ne sait pas trop. La seule source qui en parle un peu, le Royal Jeu de Paume en 1632, n'est pas très claire. Il est semblable que les 10 nombres 15, 30, 40, 5 et jeu signifient quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et on nous explique 4 pages plus tard que nous gagnons un jeu ou un climat. Le climat étant d'ailleurs une faute, là, il n'y a pas de thé. Une mesure antique de 60 pieds de longueur. Qu'est-ce que vient faire une mesure antique dans la règle du jeu de paume ? On se demande bien. Yves Carlier, qui a réfléchi avec nous, disait que, vraisemblablement, le carreau n'explique pas le comptage des points, puisqu'à la longue paume qui se joue sur pelouse, on coûte de la même façon, il n'y a pas de carreau. Donc, après avoir discuté avec des historiens du sport, on se demande s'il n'y a pas une pensée symbolique un peu derrière tout ça, qui est exprimée. Peut-être recherchait-il une idée de perfection. Sur ce thème 60, on ne sait pas exactement. Mais la question reste ouverte. Le terrain était propre. Le jeu de paume n'a pas servi de poubelle. Les seuls vestiges qu'on a trouvés dessus, c'est ces petits clous en bronze qu'on peut associer aux deux petits clous qu'on voit sur les raquettes pour tenir la bande qui entoure le manche. C'est tout ce qui reste de la raquette. On a cherché des balles, on ne l'a pas trouvé. On a trouvé les clous, les raquettes. Une vue intérieure, très connue. Ceci pour vous expliquer. On voit nettement des carreaux sur le sol. La galerie du public. La fosse centrale, que nous avons également retrouvée au milieu, bon, là où elle devait être. Pour l'évacuation des eaux, puisque, comme on le voit ici, les jeux de paume sont des grands bâtiments, largement ouverts. Il faut des grandes baies pour éclairer tout ça. Et quand il peut pleuvoir à l'intérieur. On a retrouvé quelques tuiles toujours cassées. On a compris quand Jean-Claude Noguillou nous a sorti le devis de récupération des tuiles lors de la démolition. Ils nous ont laissé que les cassons. Et à côté, nous avons trouvé donc quelques éléments, notamment... Ah, ben, il manque une animation, là. La citerne qui est ici. Pof, voilà, je me disais bien. Donc, le jeu de paume était équipé d'une citerne avec une pompe, vraisemblablement. On l'a retrouvé... le comblement du charbon de terre. Je le signale, c'est anecdotique, mais en même temps, en Ile-de-France, c'est une innovation à cette époque-là. Et le jeu de paume était équipé de latrines, toutes choses indispensables, mais qui n'apparaissent nullement dans le devis. Donc on discutait, Séverine discutait ce matin, la critique des sources historiques. Là, elle est très facile, parce que si on compare le jeu de paume au devis, on s'aperçoit que ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas la même orientation, ce n'est pas le même décor, et il y a des tas de choses indispensables qui n'y figurent pas, comme les latrines et la citerne. Si je compare également avec les deux manuels du 18e que je vous ai montré tout à l'heure, le garceau et le manovieux, là encore, dans le meilleur des cas, au 18e, ils nous décrivent une crédence pour les réfrigérateurs, et un urinoir, on a beaucoup mieux en fait. On a des choses très classiques qui sont apportées par l'archéologie, des vraies latrines, des vraies citernes. Il y avait vraisemblablement une dépouille. On n'en a pas trouvé grand-chose. On s'est posé la question parce que, pardon, l'étude de Newton sur la petite cour nous informe de tout un tas de serviteurs qui peuvent suivre le roi lorsqu'il va jouer à la paume. Donc, en fait, on a côté sud, je suis pas très doué, une extension de la maison qui était très lacunaire, mais je pense que la dépouille pouvait être par ici. Une restitution qui a été faite alors à partir de divers éléments, les fouilles, mais également le devis et quelques dessins. On voit ici un dessin de Van der Meulen, pas daté, mais ici le pignon de la maison du pommier, le pignon du jeu de paume, et on distingue ce qui peut être une galerie extérieure. Le tableau bien connu de Patel, qui est à la faveur des historiens de l'art de Versailles. Nous sommes ici. On a pris pour la restitution, pour la couleur extérieure un peu jaune, donnée par ce tableau. On voit encore les grandes baies et potentiellement une galerie extérieure, ce qui nous étonne beaucoup nos jours, mais surtout les tableaux qu'on a, des jeux de paume connus, on a cette galerie. Ici, l'aile en équerre du pavillon du roi, dont nous avons fouillé une partie, pavillon du roi, pavillon de la reine, et dans laquelle il y avait du mobilier céramique qui vous sera présenté par Fabienne. Je vais interrompre mon diaporama pour vous montrer une petite restitution qu'on a fait, une animation 3D de ce jeu de paume. Alors, je vais me tenir à côté. Donc, le plan est celui de la fouille. La couleur, celui du tableau de Patel. La maison du pommier, je vais vous en parler après. C'est un mélange, encore une fois. Pour les élévations, on s'est servi aussi bien du devis que de ce qu'on connaît des huisseries dans les autres traités d'architecture du XVIIe siècle. Pof. On a restitué cette chose très étrange de nos jours. Bah, misère. Stop. Oh, on va accélérer. Je suis désolé. J'aime ce qui est antique, ethnique, artistique, mais technique, c'est plus difficile. Bon, alors. Pause. Voilà. Cette galerie des filets qu'on devine sur les dessins et pour laquelle on n'a aucun élément au sol pour savoir comment on y accédait, est-ce qu'il y avait un escalier extérieur, un escalier dans les murs ou à l'intérieur d'une galerie. On l'a restitué et va dans le mur, ce qui est totalement incohérent, mais on n'en sait pas plus. Donc les tuiles sont faites, choisies d'après nos découvertes, les baies d'après le devis, on a restitué en bas à droite la citerne d'après nos découvertes. Une entrée qui va se profiler côté nord d'après l'étude topographique faite par Jean-Claude Le Guillou. Le sol de la galerie, des murs de galerie successifs. À droite, blanc, on les a retrouvés enduits de plâtre blanc. À gauche, noirci. On va voir pourquoi. L'intérieur du jeu de paume. Alors, on va prendre un peu de recul. Bon. Les murs étaient noircis. On a réalisé des études spectrométriques sur les échantillons de plâtre découverts, puisque les historiens me disent que les balles étaient blanches. Le souci, on le voit tout de suite, c'est que le sol devrait aussi être coloré ou noirci, mais nous l'avons trouvé blanc. Donc, on l'a restitué blanc. La fosse centrale, encore une fois. Les trois galeries qui définissent le jeu à dedans. Un plafond lambrissé, on n'a pas retrouvé les lambris, mais apparemment c'est comme ça dans le devis. Et puis, hop, ce qu'on distingue, encore une fois, le tambour, donc cette irrégularité architecturale qui renvoie, qui permet un rebond irrégulier, vraisemblablement un point gagnant, de même que la grille, cette petite ouverture. Vous imaginez bien que si le joueur qui est là envoie la balle dans la fenêtre, eh bien, celui-ci ne risque pas de le renvoyer. Un tas d'informations architecturales qui confirment ou laissent à penser que le jeu de paume serait bien né dans les rues. Mais nous n'avons qu'un exemple. Voilà pour cette chose-là. Je vais revenir à mon PowerPoint. Pof. Et aborder la question de la maison du pommier. Il n'en restait qu'une cave, globalement, mais elle était pleine. On était vu en fouille, en cours de fouille, pleine de céramique, pleine de verre, pleine de carreaux, de morceaux de plomb, de tout ce qu'on veut. Encore une fois, les grands carreaux, donc, trouvés en position secondaire, des éléments que j'ai appelés des listelles, la circuit architecturale, de la céramique que je ne commenterai pas puisque Fabienne est là. Hop. Et enfin, il faut savoir que le jeu de paume fouillé à Versailles était le premier qu'on ait fouillé en France. Depuis, certaines fouilles ont eu lieu, notamment à Marseille. À Bordeaux, ils ont décapé un magnifique jeu de paume, mais ils n'ont pas fouillé. En fait, ils ont fouillé les niveaux antiques qui sont en dessous, comme quoi l'archéologie moderne ne s'est jamais gagnée. Depuis est sorti le jeu du Pélican à Rennes, dont la charpente a été datée par Dindro de 1605-1607. Il a un peu le même destin que celui de Versailles, c'est-à-dire qu'il est début 17e, puis il est loti. Il est transformé dès la fin du 17e. Et enfin, on m'a envoyé cette image d'un jeu de paume à Groningen. Le jeu de paume, vous ne le voyez pas, il est là. Devant le fouilleur, je vous prie d'admirer la façon dont nos collègues belges et hollandais suivent sur des décennies leur ville au moyen de simples tranchées au milieu des rues étroites. C'est un jeu de paume fin 16e qui est loti dès 1650, transformé en maison pour les pauvres. Et le sol, oops, en fait, ici, c'est des briques qui font un pied de long. Enfin, le jeu de paume de Suze-la-Rousse dans la Drôme, très célèbre, parce que ça doit être le plus ancien conservé en élévation, dont l'étude a été attribuée à une société privée, donc je n'ai pas encore accès au rapport. Mais on a fait un vrai travail, finalement, sur les jeux de paume depuis 2007 en France, un travail archéologique, ce qui était tout à fait nouveau. Je vais aborder rapidement, vraiment en conclusion partielle, la place du jeu de paume dans la société de l'Ancien Régime. Si la description des arts et métiers par l'Académie royale des sciences définit les exercices du corps comme un art et non comme un jeu, les bienfaits énoncés de cet art sont avant tout une santé robuste, une agilité si nécessaire dans le cours de la vie. Car le pouvoir a ses versants corporels, il faut être robuste. Les jeux du Moyen-Âge sont remplis de rudesse et de choc. Lutte, soule, crosse, joute, tournoi mobilisent toujours l'imaginaire. Le roi Henri II meurt en 1559 des suites d'une blessure reçue lors d'une joute. Et sous l'influence de la Renaissance qui rend au corps son importance, la noblesse modifie au XVIe et XVIIe siècle ses pratiques corporelles en développant des jeux d'adresse, en développant la partie adresse dans le sport, donc l'escrime, des jeux de paume, l'équitation, le billard, etc., au détriment de la force. Et Henri IV supprime bientôt les joutes. Donc la paume est le premier jeu développé qui ne comporte pas de heurts directs avec l'adversaire. En ce sens, ça participe à l'histoire de la non-violence et du raffinement d'une société. Ici, un tableau extrait de la thèse de Le Sage sur la filiation des jeux. Et ce chercheur a établi que le jeu de paume est à l'origine de plusieurs centaines de jeux actuels répartis dans le monde. Conclusion provisoire. Alors, l'archéologie du jeu de paume médiéval reste à faire, dans le sens où on sait, d'après les règlements, que c'est un jeu qui apparaît globalement au Moyen-Âge. On suppose que ça se faisait à l'origine dans les rues, à la main nue. Ici, une photo de joueur actuel dans une ville d'Italie. On voit la balle. Et je renvoie à l'ouvrage de ce chercheur anglo-saxon qui a fait une très belle étude, finalement ethnologique, sur la paume actuelle, Morgan. On peut penser que le jeu de paume s'est bien développé essentiellement dans les villes à partir du moment où celles-ci ont été pavées, les parvis, encore une fois, pour des questions de rebond. Puis, le développement urbain faisant, des joueurs qui jouent dans des rues étroites du Moyen-Âge, ça devait encombrer et gêner le commerce et le trafic. On peut supposer que les premiers cours ont été ouverts. Ici, une image de la Renaissance, dans des endroits spécialisés, finalement. Ils étaient, dans un premier temps, à ciel ouvert, peut-être comme le jeu de paume de Suze Larousse, dont je vous ai montré la photo. Puis, alors, on est au 15e, au 16e, c'est la grande époque. Ici, une citation bien connue de Francesco Gregori. 250 jeux de paume à Paris, c'est l'âge d'or, avec toute une série de métiers qu'on retrouve encore, finalement, dans les tournois de tennis actuels, hein. Les arbitres, les marqueurs, les cordeurs, tous ces gens-là existent toujours. Et puis, comme on le voit dans ces chiffres, la mode décline assez rapidement au 17e et au 18e. On n'en parle déjà plus. Et c'est pourtant à cette époque que sont rédigés les deux traités que l'on connaît sur le sujet. Donc, en conclusion provisoire, il faut également se rendre compte que pour à Versailles, dans le cas particulier du jeu de paume du roi Louis XIII, pour le jeune roi, le jeu de paume a aussi une fonction hygiénique. Ce n'est pas un hasard si c'est son médecin, Jean Hérouard, qui nous donne le plus d'informations sur les parties du roi. Jouer à la paume demande adresse, force et réflexion, voire stratégie, toutes qualités qui sont requises pour un prince. Parce qu'il met en valeur les qualités d'un joueur et permet un moment d'échange privilégié entre ceux qui le pratiquent, le jeu de paume est aussi un art de cour. Sous Louis XIII, le jeu de paume est considéré comme un art par les puristes, un jeu pour le plus grand nombre, et pas encore comme un sport. Si Louis XIII est un grand amateur de la paume, le XVIIe siècle français, pris dans son ensemble, ne développe guère le sport, car les exercices ne permettent pas d'acquérir gloire et honneur. La paume est un jeu en cours de sportivisation, selon le propos d'un historien du sport qui s'appelle Clastre. Donc voilà, les caractères du sport moderne ne sont pas présents. On va avancer un petit peu. Hop, papa. Ouais, 5 minutes. Donc, rapidement, le pavillon du roi, des vestiges, belle maçonnerie, des céramiques qui vous seront présentées par Fabienne. Le tout est remblayé pour la construction du grand commun, vous voyez le niveau de cour. Et nous avons fouillé également donc, toute une série de vestiges hydrauliques liés à la cour du grand commun. Oups. Des caniveaux, deux phases de caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les aqueducs souterrains, et aussi toute une série de bassins successifs destinés à l'alimentation en eau des habitants de l'édifice. Vu de la fouille en cours, les trois bassins sont visibles ici, celui que vous avez peut-être connu, le circulaire datant du 19e. On voit ici un des vestiges d'un des premiers, du premier bassin réservoir alimentant les fontaines du Grand Commun, donc fin 17e. Et puis en cours de fouille, un autre bassin rectangulaire qui date du début du 19e. Quelques détails. Voici la fontaine qui agrémentait le centre de la cour, donc qui permettait de distribuer l'eau à tous ces appartements et notamment aux cuisines. Nous pensons éventuellement... Bon, alors, on a retrouvé cette fondation carrée, assez profonde. Elle était alimentée par deux petites fontaines latérales. Nous avons trouvé deux blocs que voici en beau calcaire. Je ne sais pas si nous avons affaire à la crinière d'un lion ou à la barbe bien touffue d'un dieu. Je pense qu'il y a des spécialistes de la sculpture qui seraient plus aptes que nous à répondre à cette question. Dans la fondation de cette fontaine, nous avons trouvé la seule pièce d'or du site, que voici, qui ne date rien, malheureusement, puisqu'elle est fin XVIe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le seul petit moment où on a des vestiges impressionnants, de grande qualité, peut-être liés à la présence du roi, c'est malheureusement la phase de travaux. Donc, je doute que le roi se promène sur les travaux du grand commun. Pas avant. Ici, un plan du début du XIXe, dans lequel on peut voir difficilement un bassin circulaire, un bassin rectangulaire, que nous avons retrouvé. En voici des coupes. Off. Donc, comme l'a très bien expliqué Annick, construction classique, mur de terre en arrière, courroie d'argile et mur de douve. La pièce la peut-être plus intéressante dans ce bassin, c'est celle-ci. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo un peu abrupte. Je pense que c'est ce que les architectes début du 19e appellent à Versailles un bas-champ, c'est-à-dire un abreuvoir destiné aux chevaux. Et je ne crois pas qu'il en reste encore à Versailles de cette époque. Mais je pense que celui-ci en est un. Ceux qui parcourent le château, il est dans les galeries sud du château, sous les cartons, c'est ça, Annick ? Il sert un peu de poubelle pour l'instant, c'est dommage. Il est prévu de le déplacer, mais comme il est très. Voilà, encore une vue du bassin rectangulaire. Pof, des conduites d'évacuation des eaux pluviales. La tranchée que nous avons ouverte au travers de l'aqueduc. Hop, l'autre relevé, les photos, le schéma conventionnel qui n'est pas le nôtre. Et enfin, je vais terminer en 5 minutes, nous avons tenu à étudier les tuyaux de plomb que nous avons exhumés sur ce site, puisque pour la première fois, nous avions affaire à des tuyaux potentiellement datés, issus d'un site où, en théorie, on a ce qu'il y a de meilleur technologiquement. Donc on a tout ramassé, tout nettoyé, on a profité de la présence éclairée des fontainiers pour nous conseiller, et de ma rencontre avec Nicolas Thomas, qui est cité ici, qui est un spécialiste à l'INRAP des métaux non ferreux. Donc on a, avec nos regards d'archéologues, mesuré, observé, décrit tout ce qu'on voyait sur les tuyaux pour essayer de comprendre pour la première fois. Et en fait, c'est la première fois que c'était fait sur des tuyaux en plomb moderne. Donc certains tuyaux étaient des feuilles de plomb, comme on le voit ici, soudées. On reconnaît cette technique dans une gravure de l'encyclopédie. La feuille est roulée et puis soudée sur toute la longueur. Mais la plupart des tuyaux présentaient des plans de joints et ce qu'on a appelé des pastilles. On a rapidement compris qu'il s'agissait en fait de tuyaux moulés. Les pastilles résultant de l'introduction du plomb par le biais de cônes. Dès le 17e, bien sûr. Donc on a tronçonné tout ça, on a observé les soudures, les liaisons. En voici quelques dessins. On a mesuré tout ce qu'on pouvait. Donc les soudures sont chaque fois réalisées de la même façon, par l'amincissement d'une paroi et son emboîtement dans une autre qui est évasée, puis c'est recouvert d'une soudure à un mélange d'étain et de plomb. Pof. Et surtout, on a appris beaucoup de choses. On a vu qu'il y avait des soudures qui correspondaient à des réparations. Donc on les a tronçonnées, encore une fois. On se demandait pourquoi réparer un tuyau de plomb. Et on a vu des irrégularités. C'est peut-être plus visible voilà, sur celle-là. Pof, pof, pof, des perlures à l'intérieur qui sont dues manifestement à des défauts de fabrication. On est encore à un niveau proto-industriel. Et le plomb étant, malgré toute apparence, un matériau très... très fluable et fragile, il y a eu souvent des fuites, donc de nombreuses réparations qu'on a étudiées, observées, mesurées, décomptées pour savoir comment les fontainiers de l'époque s'y collaient. Donc en conclusion sur ces tuyaux, des techniques variées. L'archéologie nous montre que les fondeurs ont apporté des problèmes important lors de la fonte de ces tuyaux. Gros défaut, bien qu'on soit chez le roi, à l'endroit où normalement les tuyaux devraient être les mieux. Des données métriques différentes, comme quoi les pratiques sont encore peu standardisées. Et surtout, je voulais instituer, c'était la première fois qu'on étudiait ces tuyaux, alors qu'on en trouve sur beaucoup de nos chantiers, mais on les laisse de côté parce qu'on ne sait pas trop les... On ne sait pas trop les reconnaître. Cette fois-ci, on a essayé de faire l'effort sur le sujet. Oui, il y a un vrai sujet d'étude. Pour terminer, j'ai restitué la fouille à l'intérieur du grand commun pour vous dire que pendant la fouille, j'ai demandé plusieurs fois à ce qu'on puisse étudier beaucoup de choses dans le grand commun. Ça nous a été refusé, c'est dommage, faute de prescription. Mais il y avait des vestiges, il y avait des sujets à volonté également à l'intérieur. Voilà. La liste des chercheurs qui ont collaboré à l'étude des vestiges modernes présentée ici, et je vous remercie.